Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 3 octobre dont voici d'abord les grands titres. Le premier ministre burundais promet des enquêtes rapides pour connaître l'origine de l'incendie qui a ravagé une grande partie du marché de Kamenge. Vous suivrez aussi la situation qui prévalait à ce marché dans la matinée de ce samedi à travers le reportage de notre confrère. Le parquet général de la République du Burundi compte réduire le budget alloué à la direction des affaires pénitentiaires qui s'élève aujourd'hui à plus de 5 milliards de francs burundais. Le souhait a été émis ce vendredi lors de l'ouverture de l'année judiciaire au palais des congrès de Kigobe. Et dans ce journal, nous nous rendrons au nord du pays en province de Muyinga où les pluies torrentielles de ces derniers temps causaient des dégâts collatéraux. Bienvenue, Emetosse Mitebouti assure la mise en onde de ce journal. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir. Contribuer à ce qu'il y ait des enquêtes dans l'immédiat sur les causes de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de ce vendredi à samedi au marché moderne de Kamenge et qui a ravagé plus de sa moitié, telle est la promesse du premier ministre burundais Alain-Guillaume Wunyoni, après une descente qu'il a effectuée sur place du côté des commerçants de son marché. C'était la désolation totale. Ézéchiel Ndikumwena, le reportage. Nous sommes au marché moderne de la zone Kamenge, dans la même zone, commune Nahangwa, à mairie de Bujumbura, partie en fumée depuis la matinée de ce samedi. Les policiers de la protection civile, les soldats et la population cherchaient à éteindre le feu. Ce commerçant rencontré sur place et dont ses marchandises ont péri nous raconte ce qui s'est passé. Vers 3h du matin, j'ai reçu un appel d'une personne vivant dans les environs me disant que le marché est en feu. Du coup, je suis venu en courant, mais on m'a refusé d'entrer alors que je voyais bien que je pouvais sauver mes marchandises. Certains auraient pu sauver leurs biens. Malheureusement, les policiers nous ont barré l'entrée. Nous sommes très tristes parce qu'en 2012, tous nos biens ont été ravagés par le feu dans ce même marché. L'on commençait déjà à récupérer un peu, mais voyez, le cauchemar reprend. On ne sait pas comment nous allons vivre. Nous sommes angoissés, nous sommes fatigués. Même si les commerçants n'ont pas pu sauver les marchandises, il salue l'intervention dans les médias, de la police, de la protection civile, sinon la situation allait s'empirer. Vers 7h45 du matin, Daniel Gelaz Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, était sur place. C'est regrettable, c'est une grande perte économique que le pays enregistre. Aujourd'hui, toutes les énergies qui ont été investies là-dedans viennent de s'envoler. Les énergies financières, les énergies psychologiques, morales, les énergies sociales, les énergies en matière de développement, tout s'écroule sur ce marché de Kamenge. Que ça nous serve de leçon. C'est une expérience malheureuse. Nous devons respecter les consignes qui sont données par les institutions du pays en matière de construction des marchés, dans le sens de respecter scrupuleusement en libérant les allées pour permettre aux camions de passer. Ça a été un grand obstacle au service de protection civile, malgré que le service ait spontanément réagi positivement au moment juste où le feu commençait à s'éteindre. Mais voilà, on ne pouvait faire autrement. Nous souffrons ensemble. Au nom du peuple, nous représentons, nous demandons de démarrer des enquêtes approfondies pour savoir les causes de cet accident. Vers 10h du matin, le premier ministre burundais, Alain-Guillaume Wunyoni, arrive aussi sur le lieu. Il tranquillise les commerçants dont les marchandises n'ont pas été touchées, que l'administration, en collaboration avec la police, assure leur sécurité. Et au cours de cet incident, aucune perte en vie humaine n'a pas été enregistrée. Merci à Ézéchiel Ndikumwena, page justice à présent. La diminution de l'effectif des prisonniers et l'utilisation des prisonniers dans les travaux de développement pour une autonomisation des prisons font partie des actions à mener pour diminuer le budget annuel alloué à la Direction générale des affaires pénitentiaires. qui s'élevait à plus de 5 milliards pour l'année écoulée. L'annonce a été faite par le procureur général de la République ce vendredi lors des cérémonies officielles de la rentrée judiciaire 2020-2021. La ministre de la Justice a quant à elle dit que le projet de rénovation des prisons va continuer. Armel Moutori. Lors de cette rentrée judiciaire ce vendredi, le procureur général de la République a montré que l'État subit de grosses pertes dans la gestion des prisons et des maisons pénitentiaires. Je vous informe que pour cette année écoulée, la Direction générale des affaires pénitentiaires a utilisé un budget de 5 milliards de francs burundais. Cet argent provient des impôts, des taxes, des contribuables. Nous ne pouvons pas oublier que les détenus n'ont aucune occupation, alors que la plupart sont constitués de personnes encore actives. Cela a un impact sur les recettes de l'État. Les taxes et impôts diminuent, ce qui constitue une perte pour le pays. Sylvestre Nyandwi a par ailleurs donné des pistes de solutions pour diminuer le budget alloué au service des affaires pénitentiaires. Les procureurs et magistrats, dans les peines qu'ils prononcent, qu'ils privilégient les peines pécuniaires comme les amendes dans la mesure du possible, ou des peines comme des travaux d'intérêt général pour éviter le surpeuplement dans les prisons. La ministre de la Justice, Jeanine Niyibizi, a quant à elle annoncé qu'un programme de gestion des prisons va être initié pour conduire les prisons à leur autonomie financière et leur permettre de contribuer au développement du pays. Nous allons initier un programme qui permettra aux prisonniers de contribuer au projet de développement communautaire pour éviter l'oisiveté dans les prisons. Vous savez bien que l'oisiveté est le commencement de tous les vices. Nous allons organiser les prisons d'une autre façon pour leur autonomisation et leur contribution au développement du pays. Ce programme sera d'abord initié dans certaines prisons et s'étendra à d'autres pour arriver à notre objectif. Le ministère de la Justice, dans ses réalisations de l'année passée, a rénové et agrandi certaines prisons du pays, un projet, disent-ils, qui va continuer. Merci à Armel Moutore. Et après une courte pause, nous continuons avec la page santé. Isanganiro. Désolation totale au sein de l'association cadre d'expression des malades en ce qui est de la mesure de la mutuelle de la fonction publique réduisant la liste des médicaments remboursables aux affiliés de la mutuelle. Sylvain Rabanabakize, le porte-parole du CEMABU, indique que cette mesure aura des conséquences sur la santé des affiliés de la mutuelle, mais aussi des conséquences économiques, car, dit-il, les contributions des affiliés restent inchangées. Suivez-le au micro de Yvette Nijimbere. Ça a été une désolation d'entendre que on a réduit la liste des médicaments remboursables aux clients de la mutuelle de la fonction publique au niveau de notre organisation. On attendait à ce que la nouvelle directrice générale de la mutuelle de la fonction publique connaisse des mesures de voir comment on peut changer au niveau de la caisse. Ce qui nous a choqué, c'est d'entendre qu'on a réduit la liste des médicaments, ce qui va quand même avoir des répercussions néfastes sur la santé de la population et la santé des membres ou bien des affiliés de la mutuelle. Les conséquences sont économiques en même temps au niveau de la santé. C'est-à-dire que l'argent qu'on prélevait au salaire reste le même, alors que la mutuelle de la fonction publique va contribuer pour des médicaments qui n'ont plus la valeur que les médicaments rayés sur la liste. C'est-à-dire qu'il y aura un problème financier. C'est-à-dire que les affiliés de la mutuelle vont continuer à cotiser le même montant, alors que la prise en charge a diminué. Mais aussi, ça a des conséquences néfastes au niveau de la santé. Parce que les médecins qui prescrivent ces médicaments sachent que l'importance de la substance prescrite, c'est pour dire qu'il peut y avoir quand même des complications qui peuvent conduire à la mort. Ce qu'on demande, c'est de voir comment réduire les cotisations pour qu'il y ait une réduction sur les montants des cotisations, pour que la mutuelle puisse voir la réduction des montants prélevés ou bien des cotisations des affiliés de la mutuelle. Sylvain Habanabakize, porte-parole de l'association cadre d'expression des malades. Le parquet de Bubanza a requis au cours d'une audience publique de ce vendredi au tribunal de grande instance de Bubanza une année d'emprisonnement et une amende de 100 000 francs burundais à chacune de quatre personnes de Musigati accusées d'avoir détruit une plantation d'eucalyptus sur la colline Gashinge en commune de Musigati. L'ordonnance ministérielle indique que des eucalyptus soient dégagés dans des vallées jusqu'à 15 mètres sur la colline, mais ces inculpés sont accusés d'avoir dépassé ces mesures. Spes Caritas Cabagnana. La commune communale de Musigati, un moniteur agricole, un ancien chef de colline de Munanira dans la même commune, ainsi que le chargé du développement communautaire, ont été accusés de destruction méchante lorsqu'ils ont endommagé une plantation d'eucalyptus d'un certain Bonaoucha Ferdinand de la colline Gashinge en zone de Kijuka. Le substitut du procureur a alors, au cours de l'audience publique de ce vendredi au tribunal de grande instance de Rwanza, demandé une année d'emprisonnement pour chacun et une amende de 100 000 francs burundais. Au moment où l'ordonnance ministérielle précise que des plantations d'eucalyptus doivent être dégagées dans les vallées et les alentours jusqu'à 15 mètres en amont afin de protéger les terres cultivables, ces quatre personnes sont accusées d'avoir détruit des plantations d'eucalyptus jusqu'à 164 mètres sur la colline Gashinge en zone Kivuka et 219 eucalyptus ont été endommagés. Le propriétaire Mbonaoucha Ferdinand exige qu'il soit payé plus de 24 millions de francs burundais, équivalent à 100 000 francs burundais par eucalyptus. Les habitants de Musigati demandent que l'ordonnance ministérielle soit appliquée sans exception. Spécialitas Kawanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Et de Bubanza, sans transition, nous nous rendons au nord du pays, en province de Muyinga, où les pluies violentes qui s'abattent ces derniers temps dans cette province, emporter des maisons au village de Batois, les ménages sans abri évoquent au-delà de menaces sur la santé, le danger sur les mœurs quand des parents et enfants s'entassent dans une chambrette en attendant la réhabilitation. L'administrateur de la commune de Muyinga, qui a d'urgence apporté une aide en couverture et vivre, indique que ce problème est connu par différents organes. Dieudonné Nzeyman. Cette voix est d'une mère du village Batoua de la colline Rugani, Guacomine Muyinga. Elle signale que quand il y a des indicateurs d'eau pluie, sa famille, comme une vingtaine d'autres, commence à trembler. Leurs maisons ont été détruites par des pluies violentes il y a 10 jours. À côté du froid, menace surtout pour les enfants qui dorment à belle étoile, il y a la question de mers. Elle indique que dormir entassé enfant, filles et garçons, y compris des adolescents, posent des problèmes pour la vie conjugale. Sylvestre Ndaïsaba, chef du village, dit merci à la commune Muyinga qui a apporté une aide en couverture et vivre. Il demande aux hautes autorités de se saisir du problème et réhabiliter ses maisons. Amédé Misagwa, l'administrateur de la commune Muyinga, précise qu'est conscient de ce problème. L'autorité locale a aussi sollicité un soutien du côté de l'ONG World Vision qui avait construit ces maisons. Les rapports des dégâts ont été transmis au ministère en charge de la solidarité et il y a des jours, des pluies violentes ont détruit plus de 70 maisons sur différentes collines de la même commune. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci aussi à Dieudonné Nzeyimana et c'est par ici à 18h passé de 14 minutes que nous bouclons ce journal. Dans quelques instants, vous allez suivre la revue de presse. Revue de la presse. C'est ce lundi 28 septembre 2020 que l'Union européenne, à travers son nouveau programme national d'appui à la société civile burundaise, a promis un fonds de 7 millions d'euros, soit 13 milliards de francs burundais, rapporte Burundi Echo. Selon l'Union européenne, ce sont plus de 13 000 personnes qui vont bénéficier de ce fonds, dont des femmes et des jeunes. Ce confrère précise que 6 organisations de la société civile sont impliquées dans sa mise en œuvre. Il s'agit d'Oxfam, CordAid, ActionAid, MIPAREC, OAG et ADISCO. Ce programme d'appui à la société civile sera exécuté pendant 3 ans dans les provinces de Kayanza, Muyinga, Rutana, Cibitoke, Gitega et Bujumbura, précise encore Burundi Echo. Et d'après le journal Iwachu, ce qui vient de se passer au lendemain du lancement de ce programme est au cœur des critiques. En effet, écrit son confrère, 11 organisations de la société civile dites « patriotes » ont adressé une lettre au ministre de l'Intérieur pour s'insurger contre ce projet qui sera exécuté dans 6 provinces où aucune de leurs organisations n'aurait été associée et demandent alors leur intégration dans le programme, faute de quoi le ministère serait obligé de suspendre ce programme jugé discriminatoire et qui est un arbre qui cache la forêt. Pour cet hebdomadaire, le concept de société civile ne devrait pas se banaliser à l'instar de ce citoyen qui a demandé, après cette réaction, qui représente vraiment la société civile burundaise, ce qu'elle représente, quel est son objectif. Son confrère répond en substance, quelle est la libre expression des intérêts et aspirations des citoyens organisés et unis autour d'intérêts, d'objectifs. Et elle sera complémentaire à l'État tout en gardant sa neutralité. Iwachu fait sien les propos d'Alexandre Jardin, je cite, « La capacité d'action d'un État moderne ne se fonde que sur une société civile vivante, auto-organisée et puissante. » Fin de citation. Burundi Echo rapporte également que les commerçants des chaussures usagées prestant au marché Bujumbura City Market, communément appelé chez Sion, avaient jusqu'au 30 septembre 2020 pour regagner le marché moderne de Djabé. Les responsables du marché, BCM, et les commerçants concernés sont désemparés, écrit Burundi Echo. Selon toujours son confrère, spécialisé dans les questions économiques et sociales, la mairie de Bujumbura reconnaît que le marché de Djabé est spécialisé dans la vente des chaussures usagées et des cuirs de différentes sortes et explique que les commerçants des chaussures usagées ont migré vers le marché chez Sion uniquement pour laisser la place à l'entreprise Jetra qui devait commencer les travaux de réhabilitation du marché de Djabé en 2017, quitte à y revenir aussitôt après sa réhabilitation pour occuper les 36 places dans ce marché. Revue de la presse. Des embarras concernant le triplement dans la classe de 9e s'indigne la voix de l'enseignant, évoquant ici la décision du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, selon laquelle l'autorisation de triplement est accordée par le jury de délibération, mais qui ne s'applique pas aux élèves de la 9e année. Les parents des élèves se trouvant dans cette situation, ainsi que les défenseurs des droits des enfants, ne comprennent pas pourquoi le ministre de l'Éducation évoque la question du triplement après 3 semaines de la rentrée scolaire, alors qu'il ne l'a pas mentionné dans sa correspondance du 4 septembre 2020, donnant les directives d'attribution des places de redoublement aux élèves de 9e année. Ils disent que selon cette correspondance, le seul critère de sélection devrait être la note obtenue au concours, rapporte cet hebdomadaire. Il demande au ministre de sursoir à cette mesure et souhaite également que l'interdiction de triplement se fasse progressivement en fonction du taux d'échec, écrit toujours la voix de l'enseignant. La compétition Miss Africa aura lieu au Ghana en 2021, annonce dans les colonnes de l'agence burundaise de presse Caritas Nzitonda, assistante et point focal de la société d'importation, exportation et promotion événementielle. Elle fait savoir que les préparatifs ont commencé dans les provinces Ngozi et Kayanza et se poursuivra dans tout le pays pour enregistrer les jeunes intéressés par cette compétition. La demi-finale aura lieu fin novembre et la finale est prévue le 20 décembre prochain où on choisira un seul garçon qui représentera le Burundi parmi les 5 qui auront été présélectionnés sur base de divers critères. Enfin, l'Amstelbock est introuvable au Burundi depuis des mois et plus d'un se pose la question de savoir pourquoi. Devant cette situation, la Nova est allée chercher une réponse à la Brarudi. Dans un entretien qu'elle a accordé à son confrère en ligne, La directrice du service marketing de Brarudi, Caroline Wouters, commence par rappeler qu'ils font un planning de production en fonction des ingrédients qui sont disponibles et que pour le moment, la Brarudi se trouve dans les moments difficiles avec la situation Covid-19. Ainsi se referme cette revue de presse. Merci de votre écoute. À la prochaine. Revue de la presse.